J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Ce soir, 30 décembre 1937. Les troupes de Franco ont subi des pertes énormes, nous déclare l'écrivain américain Hemingway de retour de Teruel. Hier, tandis que la nuit tombait sur Paris, un homme grand et fort au visage large et souriant sortait de la gare d'Orsay. « Hemingway !» dit quelqu'un qui se trouvait près de moi. C'était bien en effet Ernest Hemingway qui arrivait à Paris. Le grand écrivain américain, l'ami du président Roosevelt, arrivait de Teruel où il avait suivi les opérations militaires aux côtés de l'armée républicaine victorieuse. « Je suis incapable de faire le moindre récit, me dit-il. Il y a 5 nuits que je ne suis pas sorti de mes vêtements, que je ne dors pas. Mon cher confrère, pour ce soir !»« Ah, vous êtes de ce soir !»« Vous avez à Teruel un fameux correspondant. Savez-vous que Mathieu Cormand est le premier journaliste qui est pénétré dans Teruel ?» Comme courage, on ne fait pas mieux que votre envoyé spécial. Une heure plus tard, c'est dans un grand hôtel du centre que je retrouvais Hemingway et que je continuais avec lui la conversation ébauchée à la gare. « Des détails sur la bataille de Teruel, dit-il. Mon Dieu, oui, mais par où voulez-vous que je commence ? D'abord, et c'est merveille, nul ne sut rien de l'offensive qui se préparait. Jusqu'au 15, jour où elle débuta, elle fut tenue absolument secrète. Un autre fait qui prouve que l'Espagne à laquelle nous étions habitués a bien changé. Ce sont uniquement des forces espagnoles qui ont conduit l'offensive. À Teruel, pas une seule brigade internationale n'a participé à l'offensive. Les soldats républicains ont dépensé là des trésors d'héroïsme et d'impatience. Le moral de cette armée n'est pas celui qu'on est accoutumé de voir après 18 mois de guerre. Et je vous en parle par expérience, puisque j'ai fait la guerre en Europe. C'est le moral d'un début de guerre. Comment la population a-t-elle accueilli l'armée républicaine à Teruel? La majorité l'a accueillie avec enthousiasme, mais une partie tremblait de peur à la pensée qu'elle allait voir entrer dans la ville des troupes russes. Quand ces braves gens comprirent que la propagande de Franco leur avait menti, leur attitude changea soudain. Les Russes étaient de bons, d'authentiques Espagnols. Y a-t-il eu des représailles? J'ai été témoin que pas une seule personne n'a été fusillée. Il n'y a pas eu de représailles. Et cela a tout de suite créé dans la cité une atmosphère de joie, de confiance et de collaboration. Ce n'est pas ce qui s'était passé lors de la prise de Teruel au début de la guerre civile par les troupes de Franco. On m'a raconté à Teruel des choses terribles qui datent de cette époque. Le célèbre auteur de Have and Have Not ajoute en guise de conclusion: une chose a frappé tous ceux qui ont suivi la bataille de Teruel. Ce sont les progrès formidables réalisés par l'armée républicaine, qui est maintenant devenue une armée offensive. J'ai fait la guerre en Europe il y a 20 ans, et depuis cette époque, je n'avais pas vu manœuvrer une armée avec tant de discipline et de souplesse. Cette armée est maintenant au point, elle est formidablement organisée. Quant à l'aviation républicaine, elle est nettement supérieure à l'aviation de Franco. Je crois que les affaires d'Espagne nous réservent de grosses surprises.